faut l'écrire pour voir comment ça fonctionne. Ce nebo. Ça fait penser à quelque chose qui est évoqué quelque part dans Joyce, où sur le mont Nebo, la loi nous fut donnée. Une écriture, donc, est un fer qui donne support à la pensée. À vrai dire, le nebo en question change complètement le sens de l'écriture. Ça donne à la dite écriture, ça donne une autonomie. Et c'est une autonomie d'autant plus remarquable qu'il y a une autre écriture qui est celle sur laquelle Derrida a insisté, c'est à savoir celle qui résulte de ce qu'on pourrait appeler une précipitation du signifiant. Derrida a insisté, mais il est tout à fait clair que je lui ai montré la voie parce que le fait que je n'ai pas trouvé d'autre façon de supporter le signifiant que de l'écrire grand S est déjà suffisante indication. Mais ce qui reste, c'est que le signifiant, c'est-à-dire ce qui se module dans la voix, n'a rien à faire avec l'écriture. C'est en tout cas ce que démontre parfaitement mon nebo. Ça change le sens de l'écriture. Ça montre qu'il y a quelque chose à quoi on peut accrocher des signifiants. Et on les accroche comment, ces signifiants? Par l'intermédiaire de ce que j'appelle dimension. Là aussi, parce que je suis sûr que ce n'est pas tout à fait. C'est comme ça que je l'ai écrit. Mention du dit. Ça a un avantage. Cette façon d'écrire. C'est que ça permet de ça indique que le dit n'est pas du tout forcément vrai. Voilà, autrement dit, le dit qui résulte de ce qu'on appelle la philosophie n'est pas

que dans la théorie de Freud, le réel n'a rien à faire avec le monde. Parce que ce qu'il nous explique dans quelque chose qui concerne précisément l'ego, à savoir l'ousti, c'est qu'il y a une étape de narcissisme primaire. Et que ce narcissisme primaire se caractérise de ceci, non pas qu'il n'y ait pas de sujet, mais qu'il n'y a pas de rapport de l'intérieur à l'extérieur. J'aurais sûrement à y revenir, je ne dis pas forcément devant vous, parce que après tout, je n'ai aucune espèce de certitude que, à l'heure actuelle, que l'année prochaine, je posséderai encore cet amphithéâtre, mais supposez que je trouve quelque part un endroit de 70 mètres carrés, eh bien, ça fera la place pour 8 personnes, comptant moi. Et c'est le meilleur de ce que je souhaite. Il faudrait encore que je dise quelques mots, que j'avais préparé, quelques mots de l'épiphanie, la fameuse épiphanie de Joyce. Que vous rencontrerez à tous les jours. Je vous prie de contrôler ceci quand il en a dix. Toutes ces épiphanies sont toujours caractérisées de la même chose. Et qui est très précisément ceci. Chose fantastique, Joyce lui-même n'en parle pas autrement. C'est tout à fait lisible dans Joyce que l'épiphanie, c'est là ce qui fait que, grâce à la faute, inconscient et réel, se noue. C'est quelque chose que je peux quand même. Vous savez un peu ce que ça veut dire, un Dieu coronaire. pourras voir sur ce schéma, vous pouvez facilement voir ce schéma. La rupture d'ego dès le rapport de la facilité. Imaginez incontestablement. Voilà les quelques indications que je voulais vous dire pour cette dernière séance. On pense contre un signifiant. C'est le sens que j'ai donné au mot de l'appel. Penser, on s'appuie contre un signifiant pour penser. Voilà, je vous libère. Je vous libère, il n'y aura pas de prochaine, de dernière chose de cette année. Je comptais que ça serait le 18, comme les examens commencent le 17, vous pouvez vous dispenser de vous déplacer.